centaines de messages publicitaires. Oui, même ici à la radio non commerciale. Mais savez-vous vraiment de quoi est faite toute cette pub? Soyez dans le coup avec Tel que vu à la télé, la nouvelle émission révolutionnaire. Ces deux ingrédients actifs laisseront le monde de la publicité complètement transparent pour vous. Et pourquoi payer plus cher ailleurs? Essayez gratuitement Tel que vu à la télé dès 9h les mercredis sur les ondes de CISM. Offre d'une durée limitée pour usage externe seulement. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes en ce lundi 10 novembre. Bienvenue à l'émission Le Terminus. Jean-François Lusignan avec vous jusqu'à 20h pour le meilleur de l'indie rock et tout ce qui gravite autour. Ce soir, dans quelques minutes, j'aurai Marc Dess, le français Marc Dess, en entrevue. Vous allez pouvoir également retrouver cette entrevue, toute l'émission complète, la liste des chansons qui est diffusée sur le CISM893.ca à la fin de l'émission. On débute avec les Anglais de Chinese, chanson de C. Les premiers extraits d'un tout nouvel album. En fait, c'est leur premier en carrière qui paraît en février prochain. Ça s'annonce assez bon si on se fie à cet extrait. On écoute à l'instant Chinese. Thank you. Paradise Girls des vétérans de Dear Hoof. Leur 12e album, La Isla Bonita, vient de paraître, c'est la semaine dernière, il me semble. Et Dear Hoof, si vous voulez les voir en spectacle, ils seront à Montréal, oui, ce vendredi, le 14, au cabaret Piccolo, qui semble être une nouvelle salle de spectacle dans le sous-sol du Théâtre Rialto sur l'avenue du Parc. Donc, visite rare, mais à aller voir. Donc, cette semaine, Dear Hoof. Et on va continuer maintenant avec une chanson de Marc Dess qui est là, qui est arrivé. On va s'entretenir avec lui dans quelques instants. On écoute, pour commencer, Fait divers, chanson de son nouvel album, Nuit noire. Liaison dangereuse au cinquième étage, au cinquième étage. Tout le monde est parti. Ça tombe bien, moi aussi. Ça tombe bien, moi. We'll be right back. Marc Dess, Fait divers, chanson extraite de son tout récent album, son premier album même, donc qui s'appelle Nuit Noire. Marc est en studio. Bonjour Marc, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Salut Jean-François. Marc, tu es à Montréal. Oui. Pas pour la musique, hein, pour des vacances, tu me disais. Oui, c'est ça, je découvre l'Amérique. C'est la première fois que je viens ici et je suis venu visiter des amis. J'avais une semaine comme ça de libre et je profite des joies montréalaises. Et jusqu'à maintenant, comment ça se passe à Montréal? Très bien, je marche beaucoup, je vois plein de choses, mm-hmm. Je sors pas mal, je vais voir des concerts. Okay. Voilà, ça passe vite. Mm-hmm. Donc tu es pas ici. C'est une ville qui me plaît. Oui, tout à fait, c'est ton premier contact avec le Québec. Oui, tout premier. Ok. Et donc t'es pas ici pour la musique, mais il y a quand même des choses qui sont passées dans les derniers mois pour toi. Sorti ton premier album le printemps dernier. Ouais. Nuit d'hiver. Comment c'est bien reçu jusqu'à maintenant en France? Ça. Écoutez, oui, on a eu de très bons retours sur cet album, plus que je n'en espérais à vrai dire. J'ai sorti cet album en juin. Il m'a permis de faire pas mal de concerts en France, et ça continue. On est en train de préparer deux singles qui vont sortir respectivement en décembre et en janvier, avec de nouveaux clips et puis une tournée pour fin 2014, début 2015. Okay. En France et aux alentours, en Belgique. Okay. Donc pour l'instant, ça a donné lieu à beaucoup de spectacles. Et voilà. Pour l'instant. Et okay. puis je n'arrête pas de composer. On prévoit un autre EP, mm-hmm. pour l'année 2015. J'espère avant l'été. Avant l'été prochain. Avec des nouvelles chansons? Que des nouvelles, oui. Ah oui, ok. Donc, est-ce que c'est des chansons que tu avais laissées de côté pour le premier album? Ou... Non, pas du non, tout. Okay. C'est des chansons que j'ai commencé à enregistrer, à écrire à partir du moment où j'ai su que j'allais sortir cet album. Okay. J'attendais de savoir qu'il allait sortir, et quand j'ai su qu'il allait sortir, j'ai repris le travail. Mm-hmm. Maintenant, plus tout seul. C'est un album, Nuit Noire, que j'ai fait tout seul en partie, bon, toujours avec mon ami David Crow, qui habite à Détroit. Oui, on va en parler de ouais. Monsieur Grow, c'est ça? Mr. Grow. Mr. Yeah. Grow. Lui, tu l'as rencontré... J'ai rencontré à Paris. Ah, d'accord. C'est un ami donc américain des États-Unis qui est passé à Paris il y a 3 ans de ça, et à une période où je cherchais un batteur. Et on s'est très bien entendu. En fait, on s'est vu physiquement qu'une seule fois. Mais depuis, on a correspondu par Internet. Et c'est comme ça que je lui ai envoyé mes morceaux sur lesquels il a travaillé. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait lui? Toujours la batterie. Seulement, ok. Voilà, batterie, percussion. Et après, grâce à ses contacts de studio à Détroit, comme il y en a pas mal là-bas, on a fait le choix de produire les albums là-bas, c'est-à-dire de les mixer, de les masteriser à Détroit. Okay. Donc ce qui... pour quelqu'un à Paris, me donne un peu un son différent de ce qui se fait là-bas, vu qu'il n'y a pas grand monde qui... Plus américain, c'est... peut-être. Plus américain, ouais. Punk aussi, tu disais peut-être aussi. Punk, voilà, un son de batterie pour moi qui est quasiment introuvable, mm-hmm. sur le continent européen. Est-ce que c'est un son que tu avais en tête avant de rencontrer ce Monsieur Grow? Non, c'est vraiment lui qui... En fait, j'étais en train de lancer mon projet solo. Mm-hmm. J'avais un autre groupe avant qui s'appelait Théâtre Métamorphosis, avez passé d'ailleurs. Oui, on connaît très bien. Ouais. À l'époque. Et donc, je lançais ce nouveau projet donc sous mon nom, Marc Dess, et je tendais vers la pop musique. Enfin, je cherchais un peu mon style. Et t'as sorti quelques singles, il y avait... Oui, des singles assez lofi que je faisais ouais. dans ma chambre à l'époque. Et en fait, le rock m'a rattrapé. C'est quand même ce que j'ai envie de faire. En fait, je pense qu'avec l'album Nuit Noire qui est sorti en juin, j'ai réussi à marquer les bases de ma musique et de ce que je veux en faire dans le futur. Quoi. Ok. Donc tu disais que tu travailles actuellement sur la suite. EP, et ça va être dans la même veine toujours, ou tu vas déjà ailleurs? Je vais continuer à travailler avec le même batteur. Okay. Maintenant je bosse pas mal avec un gars qui s'appelle Gaël Etienne à Paris, qui a travaillé notamment avec les Scopes que vous connaissez aussi. Mm-hmm. Donc on compose ensemble et à partir de là, à partir de cet album, à partir de ces influences-là, maintenant parce que avec cet album, il a bien fallu que je fasse un choix. Je voulais qu'il soit cohérent et qu'il s'écoute d'une seule traite. Donc j'ai laissé de côté quelques influences qui pourraient me plaire. Donc là, je me permets d'explorer d'autres horizons et à la fois de rester fidèle à ce qu'on a réussi à faire avec cet album. Et de tes expériences passées, entre autres Théâtre Métamorphosis, tes singles que tu as sortis auparavant, qu'est-ce qui reste de ça, tu penses, aujourd'hui? C'est un parcours ou des expériences qui étaient nécessaires pour arriver à... Ah, je pense, oui. Pour moi, ça a été comme un apprentissage jusqu'à présent. Ça a été comme un exercice de style, un peu. Mm-hmm. Voilà. Et je pense que tout ça a mené à ce résultat, à cet album. Et à partir de là, maintenant que j'ai condensé un peu tout ce que j'avais en tête, j'espère pouvoir en ressortir de belles choses dans le futur. Ouais. Et les singles qui sont sortis auparavant, c'était chez le label américain Bleeding Gold Records, qui est de la Californie, me semble, San Diego, quelque chose comme ça. Roger Preston. Qui s'occupe de ce label-là. à l'époque, comment ça s'est passé? Je suis curieux de savoir pourquoi en fait, un Français sort ça sur un label américain. C'est une drôle d'histoire. Ouais. J'avais écouté un groupe qui me plaisait beaucoup qui s'appelait The Notes. Un groupe de Southampton en Angleterre, et il se trouve que j'ai sympathisé avec eux à l'époque via MySpace, et ils étaient venus faire un tour en France, et donc j'étais allé les voir en concert à Paris, et c'était la première signature du label Bleeding Gold. D'accord. Et j'étais très très pote avec le bassiste de ce groupe. Un groupe qui a splitté très peu de temps après, mais le bassiste après a continué avec un groupe qui s'appelait The Pipers. Ouais. Et il m'a proposé avec Roger, en ayant écouté ma première chanson comme ça tout seul qui s'appelait Petite Anne, de sortir un Split Seven ensemble. En français, sur un label américain, déjà c'était quelque chose de spécial, puis par la suite c'est une chanson en français et une chanson en anglais, mais c'était deux chansons qui allaient vraiment bien ensemble. Enfin, la chanson en anglais, c'était celle de Aaron Piper, donc le groupe The Pipers, face A, et face B il y avait ma chanson. Et deux chansons qui s'emboîtaient pas mal, parce que je sais pas, c'était un thème assez similaire et dans des tonalités, des sons assez proches. Ça a fait un bel objet. Ouais, puis après la suite, ça a donné lieu à Vidéo Club. Tu sais que t'es un autre... toujours single, chez Bleeding Gold. Toujours, c'est ça. Ouais. Puis ensuite, là, et après l'album, la suite, l'album. Plus chez Bleeding Gold, maintenant c'est chez Bordeaux Rock, un label français. Et comment c'est fait chez la collaboration avec Bordeaux Rock? T'avais déjà un single, Vidéo Club était sorti sur une compil. J'ai fait une compil, voilà. Ouais, t'es les recherchistes sont à l'œuvre, Ouais, c'est ça. Eh bien, c'est comme ça que j'ai rencontré les gars de Bordeaux Rock à travers la compil French Pop qui est sortie en octobre 2013, je crois. Et après, il a voulu savoir ce que je faisais, ce que j'avais en tête pour l'avenir. Je venais de finir l'album du Noir, donc je lui ai fait écouter, et puis ça lui a plu. Donc, on l'a sorti assez vite. Là-dessus. Il m'a proposé de le sortir vite. J'avais envie de le sortir vite et de passer à autre chose. Et eux ont un réseau aussi en France. Voilà. C'est ça, et c'est c'était l'avantage. Plus simple, quant à la distribution. Tout ça, c'était quand même mieux d'avoir un label qui est proche, même s'il est encore loin, vu qu'il est à Bordeaux et moi je suis à Paris, mais c'est quand même plus proche que San Diego. Tout à fait. Je voyais que tu as aussi fait des collaborations dans les derniers mois, c'est ça, avec entre autres Mademoiselle 19, avec Alex Rossi, ça fait un peu plus dans le passé. Est-ce que tu comptes en faire d'autres Oui, dans l'avenir, bien sûr. Ouais. Ben là, pour l'instant, il n'y a rien de prévu, mais c'est quelque chose qui... À quoi je pense, les duos, les choses comme ça. Enfin, je prépare des morceaux qui peuvent être interprétés en duo, mais c'est pas encore pour tout de suite. Sur du matériel que tu aurais écrit ou tu aurais écrit. Ce serait écrit? Des nouvelles, pour du nouveau matériel. Ok, parce que c'est sûr, avec Mademoiselle 19, c'est un univers qui est un peu ça date d'il y a longtemps. Ah oui, ok. Ça date de 2011. Ah, et ça traîne quand même sur les internets, Oui, sans doute, bien sûr. Avec des amis de Freaksville en Belgique, un autre label indé, pas mal. Tu as aussi participé avec François d'Atlas Mountain aussi. Ah oui. J'ai vu une vidéo aussi, tout à fait. Première fois que je chantais en espagnol. Oui, oui, ok. Toi, parce que je suis bilingue espagnol. Ok, t'as des origines espagnoles? Oui, je suis moitié français, moitié espagnol. Okay. Mais j'ai vécu la plupart du temps en France. Ok. Seulement 4 ans en Espagne. Mais je parle aussi bien l'un que l'autre. Ok. Et... Mais de là à faire des bouts de la musique en espagnol, ça c'est... Ça c'est quelque chose à quoi je pense. J'écoute beaucoup de musique en espagnol. Ok. Et enfin, je suis fan de flamenco, de pop espagnol, de plein de groupes. Il y a plein de groupes géniaux là-bas. Il se passe vraiment un truc... très intéressant. Ouais, ben en Espagne, j'aime beaucoup le groupe Triangulo de Amor Bizarro. Je sais pas si tu connais. J'ai écouté, ouais. Il y a des potes qui m'ont fait écouter ce groupe. Ils sont plus dans le nord, je pense, dans le coin de Compostela, quelque chose comme ça. Ils sont connus là-bas. Plus un peu, c'est le Sonic Youth de l'Espagne. De toute façon, oui, là-bas, la pop passe souvent par un aspect plus shoegaze ou plus dur qu'en France ou ailleurs. Okay. Donc là-bas, même l'indie pop, on va souvent se retrouver avec des sons qui se rapprocherait presque du métal. Je veux dire, dans les guitares, c'est toujours très power pop, quoi. Donc, tout à fait. Ouais. Donc, c'est marrant, c'est comme ça. T'écoutes toutes sortes de choses, t'écoutes de la musique, c'est ça, espagnole, t'écoutes post-punk, toutes sortes de choses. Donc, tu me disais ce soir, d'ailleurs, il y a un concert en ville qui t'intéresse. Oui. Monsieur Peter Hook. Monsieur Peter Hook est là. Bassiste de Joy Division, New Order, quand même. Non, mais je l'ai jamais vu en concert. Et hier, en me baladant, comme je vous ai dit tout à l'heure, je me balade pas mal en ce moment, à Montréal. Et je suis tombé nez à nez avec un théâtre qui s'appelle le Soda. Ouais. Et je vois en tout petit écrit Peter Hook and the Light. Et là, je dis non. J'ai accouru dans la salle et j'ai demandé s'il restait les tickets. Je pensais que ça devait être plein depuis des semaines et non, il en reste. Non, étonnamment, il est quand même peu connu. Hein, son groupe New Order sont très connus, mais ah bah évidemment. Lui, depuis quelques années, il n'est plus avec eux. Non, bien sûr, mais. Ça reste quand même quelqu'un qui a révolutionné la musique. Donc, suggestion concert, est-ce qu'il y a d'autres concerts que tu vas voir en ville pendant ton passage à Oui, Montréal? Demain, je vais voir un ami qui joue au Casa del Popolo. Ouais, sur Saint-Laurent. Mm-hmm. Voilà, Vesuvio Solo, un ex-membre de Tops, un groupe qui est aussi montréalais avec qui j'ai partagé l'affiche en France, à Paris, il y a 2 ans. Donc voilà, je les ai revus ici, notamment Tom Gillies, c'était le bassiste de Tops, qui a monté son groupe maintenant, Vesuvio Solo, et qui joue demain soir. Donc deux suggestions concert Marc Dess. Sinon, Marc, tu me disais tout à l'heure que tu t'es donné au cinéma dans les dernières semaines, tu disais que tu travailles sur des clips pour des chansons. On a tourné deux clips. Qu'est-ce qui s'en vient, Alors, deux clips, donc pour les deux... single mix, disons, deux morceaux de l'album, Henri et Elsa, et chanson pour Olive, deux clips pour chaque morceau, ce sont des nouvelles versions à chaque fois. Ok, qu'est-ce qu'il y a de différent dans ces versions-là? Alors, il faut savoir que l'album Nuit Noire, c'est un album que j'ai fait assez vite. Dans ta chambre, encore? Voilà, même si, bon, avec des moyens de production... à chaque fois un peu plus poussé, mais voilà, je ne pensais pas arriver de si tôt à réaliser un album. Et pour le faire, il a fallu que j'aille très vite. Donc c'est un album que j'ai écrit, composé, enregistré en 2 mois, même pas. Et je suis conscient de ces imperfections. Donc j'ai voulu, à partir des pistes de l'époque, retravailler 2 chansons et les ressortir, avec notamment des inédits de l'album, enfin des versions acoustiques, des remixes. Donc voilà, on va travailler d'abord sur ces 2 morceaux. On a refait des basses. En gros, ça va mieux sonner. Et même, on a revu un peu les structures. Il y a du gros travail. Il y a de quoi être surpris. Mm-hmm. Plus, le travail cinématographique des clips qui va être sympa, je pense. Et c'était l'Halloween il n'y a pas tellement longtemps. Est-ce que vous en avez profité pour... la thématique de l'Halloween, est-ce que ça a influencé c'est marrant, les clips ou... Non, pas vraiment, mais pour le clip d'Henri Elsa, j'ai organisé une soirée à Paris. Et c'était la veille de Halloween. Alors, comme j'étais complètement dans le jus avec ces clips, j'en ai complètement oublié que c'était Halloween. Okay. Mais bon, finalement, ça a été une soirée entre Halloween et le visage nocturne de cette chanson Henri Elsa qui collait bien. Donc on a fait cette soirée où les gens passaient devant la caméra et jouaient le rôle de ces 2 personnages un peu ténébreux. Enfin, vous verrez ça sort début décembre, ce sera sur YouTube. Super. On pourra le voir. Et ça fait suite à un autre clip que tu avais sorti pour Ma fiancée qui a eu quelques premier mois. Premier single de l'album, qui était très bien aussi, qui était Voilà, c'est Est-ce que tu as travaillé avec les mêmes gens pour ce nouveau clip-là? Pour Henri Elsa, oui. Ouais, ok, d'accord. Oui, pour celui-là, ça va être la même réalisatrice. Ok, donc on va suivre ça. Sinon, pour toi, Marc, tu disais pas de concert à Montréal à ce passage-ci en ville, mais est-ce que... J'espère revenir, ouais, tout à fait. Faire des concerts un jour. Alors, oui, là, ouais, je suis venu tout seul, sans le groupe qui m'accompagne. Mais j'espère revenir bientôt pour faire un concert, maintenant que j'ai vu toutes les belles salles qu'il y avait ici. Tout à fait. Donc l'invitation est lancée si des gens veulent t'inviter, de payer l'hôtel et tout pour la prochaine fois. Donc Marc, merci beaucoup d'être passé à l'émission. Vraiment, c'est un grand plaisir. Merci. Merci Jean-François. On va écouter justement une autre chanson, Henri Elsa, de cet album Nuit d'hiver, donc Marc Dès. On écoute ça à l'instant. Je tourne rien à faire. Marc Dice, la chanson Henri et Elsa. Marc Dice était en entrevue et espérons qu'il revienne prochainement pour jouer en concert également. Son album Fait divers donc est sorti il y a quelques mois sur Bordeaux Rock. On va continuer maintenant avec d'autres musiques, maintenant la formation australienne New Gum Sarn. Oui, j'arrive, la chanson Saigon Paris. I was driving, feeling like a stranger. I feel stranger every day. I was going, going nowhere, going nowhere. I'ma go there. I try not to look down no more. Yeah, I try not to look down no more. Just trying to hold my shoulders broad. Trying to hold my head out. Trying to hold my head out. I'm thinking about tomorrow. I'm thinking about tomorrow. Baby, come over. Come in, sleep inside my bed. Baby, come home now. I can't sleep without. Aïe, c'était Paved with Good Intentions de Style Charon, un duo français. Et c'était précédé de Lacera avec Losing to the Dark de son album Hour of the Dawn qui sortait il n'y a pas tellement longtemps. On va continuer encore en musique avec Fiancé, la chanson Ivy, jusqu'à 20h. Vous écoutez l'émission Le Terminus, Jean-François Lusignan avec vous. Yeah.